Et Dea, il sembla à Gwynplaine que ce cri venait du dehors. Ce cri était en lui. D'ailleurs, le jour se levait. Gwynplaine, nous continuerons à nommer ainsi. Clan Charlie est un lord. Gwynplaine est un homme. Gwynplaine fut comme ressuscité. « Et Dea ? » dit-il. « Dea ! Dea ! Dea » répéta-t-il. « Où es-tu ? Où suis-je ? À Windsor ? Et toi ? À Sousworth ? Oh mon Dieu ! Voilà la première fois qu'il y a une distance entre nous. Qui donc a creusé cela ? Moi, ici. Toi, là. Oh ! Cela n'est pas. Cela ne sera pas. Qu'est-ce donc qu'on m'a fait ?» Il s'arrêta. « Qui donc m'a parlé de la reine ? Est-ce que je connais cela ?»« Changer. Moi, changer. Pourquoi ? Parce que je suis l'or. Sais-tu ce qui se passe, Dea ? Tu es Lady. La reine ? Que m'importe la reine ? Dea, Ursus, nous sommes ensemble. Ce que vous étiez, je l'étais. Ce que je suis, vous l'êtes. Venez. Non, j'y vais, tout de suite. Allons, une voiture, qu'en a-t-elle ? Je vais aller les chercher. » J'ai une femme, qui est Dea. J'ai un père, qui est Ursus. Ma maison est un palais, et je le donne à Ursus. Mon nom est un diadème, et je le donne à Dea. Vite, tout de suite. Dea, me voici. Ah, j'aurai vite enjambé l'intervalle, va. Il se mit à marcher au hasard, de chambre en chambre, de couloir en couloir, cherchant la sortie. Gwynplaine était dans les petits appartements de Corleone Lodge. Il ne rencontrait rien de vivant. Il cherchait l'issue. Il ne la trouvait pas. Par moments, il appelait. Hey, « Hé, quelqu'un ?» Rien ne répondait. Ses chambres n'en finissaient pas. « Oh, je m'en irai, » disait-il. « Je rejoindrai Dea. On ne me gardera pas de force. » Tout à coup, il entendit un petit bruit, très faible. Cela ressemblait à de l'eau qui coule. Il était dans une galerie étroite, obscure, fermée à quelques pas devant lui par un rideau fendu. Il alla à ce rideau, l'écarta, entra. Il pénétra dans de l'inattendu.